Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc on poursuit concernant les règles du rattrapage de Ramadan. Al-Hafidh ibn Hajar dit dans le Bulugh, wa an Aishata radiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala man mata wa alayhi siyam sama anhu waliyuh. Muttafaqun alayh. D'après Aïcha, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui meurt et qui a un siyam, un jeûne sur lui, qui lui est obligatoire, son wali jeûnera pour lui. Le hadith est dans les deux sahihs, le Bukhari et le Muslim. Et ce qui est voulu par son wali jeûnera pour lui, c'est-à-dire, c'est un ordre. C'est l'ordre qui est voulu. Le premier sujet, celui qui meurt et il y a un somme obligatoire sur lui. Est-ce qu'on rattrape pour lui ce somme? Donc il y a plusieurs avis sur ce sujet. Le premier, que on ne jeûne pas pour lui. Et si jamais il a dit dans son testament, si jamais il l'a précisé dans son testament, on nourrit pour lui. C'est-à-dire un pauvre par jour. Et c'est l'avis de Malik et Abu Hanifa et Al-Shafi'i dans son madhhab Al-Jadid. C'est-à-dire Al-Shafi'i, souvent, les fuqaha, ils citent Al-Jadid, son avis Al-Jadid, c'est-à-dire le nouveau, et l'ancien Al-Qadim. Et ce qui est voulu par Al-Qadim, l'ancien, c'est lorsqu'il était en Irak. Et le nouveau, c'est lorsqu'il était à Misr, en Égypte. Et ils ont pris comme argument la parole d'Allah Ta'ala, wa an laysa lil insani illa ma sa'a. Et l'homme n'aura que ce qu'il a fait. Et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, idha mata l'insan unqata'a 'amalu illa min thalath. Lorsque meurt la personne, ses œuvres s'arrêtent, sauf pour trois choses. Trois choses, c'est-à-dire ilm yuntafa'u bih, ou sadaqatin jariya, ou waladin salih yad'u lah. Donc une science dont on profite après sa mort, ou une aumône qui perdure, ou un enfant pieux qui invoque pour lui. Rapporté par un musulman d'après Abu Huraira, radiyallahu anhu. Donc là, c'est le premier avis que on jeûne pas pour la personne, pour le mort, et si jamais il l'a dit dans son testament, on nourrit un pauvre par jour manqué, par jour qui devait être rattrapé. Le deuxième avis, que on ne jeûne pour lui que le somme nadr, c'est-à-dire le somme qui est fait par vœu. C'est-à-dire s'il a fait un vœu de son vivant, il a fait le vœu, il s'est rendu obligatoire pour lui un jeûne, un somme précis, un nombre de jours précis. Eh bien, on jeûne pour lui. Et si c'est autre chose que le jeûne, que le somme du vœu, alors on jeûne pas. Comme par exemple, dans notre cas, le rattrapage de Ramadan. Donc ça, les gens de cet avis, ils voient pas qu'on rattrape pour lui un Ramadan, seulement le vœu. Et c'est l'avis de Ahmed, Al-Layth, Ishaq, Abu Ubaid, et ils ont dit que le hadith Aïcha, qu'on a cité précédemment, celui qui meurt et il a sur lui un siyam, c'est son wali qui jeûnera pour lui. Ils ont dit que ça, c'est ce qui est voulu par là, c'est ce qui est cité dans le hadith d'Ibn Abbas dans les deux sahihs. Qu'une femme a dit, ô messager d'Allah, ma mère est morte et elle avait sur elle un somme qu'elle avait fait le vœu d'un somme, de faire un somme. Est-ce que je jeûne pour elle? Il lui a dit, est-ce que tu, ara'aiti, لو كان على أمك دين أكنت قاضيته. Est-ce que tu vois si il y avait sur ta mère une dette, est-ce que tu t'en serais acquitté? Elle dit oui. Il dit فدين الله أحق أن يقضى. La dette d'Allah est plus en droit d'être acquittée. Donc le hadith est dans les deux sahihs, d'après Ibn Abbas. Donc ils ont pris ça comme argument, ils ont dit ce qui est cité dans le hadith de Ibn Abbas, c'est-à-dire le somme fait par vœu, il faut comprendre comme ça le hadith de Aïcha. Donc ils ont dit c'est spécifique au somme rendu obligatoire par le vœu. Quant à Ramadan, on nourrit. Il faut nourrir pour chaque jour. Donc ça, c'est le deuxième avis. Le troisième avis, quel que soit le somme obligatoire, alors il doit être jeûné pour le mort. Que ce soit un vœu ou un rattrapage, ou une expiation, une kafara. Car ça, c'est les trois, avec le somme Ramadan, c'est les quatre qui sont obligatoires. Et le cinquième, comme on avait vu, c'est le somme tatawwa. Le somme, il y a un nid surérogatoire. Donc ça, c'est les cinq types de somme en islam. Ramadan, et son rattrapage, et le vœu, et l'expiation, la kafara, et le cinquième, c'est le jeûne surérogatoire. Et ça, c'est l'avis de Ahlul Hadith, les gens du Hadith, Abu Thawr, Al-Awza'i, et ils ont pris comme argument la généralité du Hadith de Aïcha, qu'on a vu. Et c'est également l'avis de Taous, Az-Zuhri, Al-Hassan, Qatada, et Al-Shafi'i dans Al-Qadim, dans son ancien avis. Et c'est cet avis qui est juste. Wallahu alam. Et c'est ce qu'a choisi Al-Bayhaqi et Ibn Hazm, puis Al-Hafidh Ibn Hajar, puis As-Sanani, et c'est l'avis de Cheikh Mouqbil Al-Wadi'i et Cheikh Mohammed Al-Uthaymin, rahmatullah alayhim ajma'in. Et les Malikiyas ont répondu au hadith de Aïcha en disant que les gens d'Al-Madina n'agissent pas avec ce hadith. Et ça, c'est une qaïda qui est souvent citée chez les Malikiyas. C'est qu'ils voient, l'imam Malik et les Malikiyas, que l'acte des gens d'Al-Madina, yani c'est à prendre en compte. Est-ce qu'ils agissent avec tel ou tel hadith ou pas? Donc là, par exemple, pour notre cas, on a un hadith, muttafaqun alayh, et eux, ils ont dit, mais les gens d'Al-Madina, c'est pas connu d'eux, c'est-à-dire les gens d'Al-Madina, c'est-à-dire les savants, c'est pas connu d'eux qu'ils agissaient avec ce hadith. Et pourquoi ils prennent en compte ça? C'est que Al-Madina, c'était une terre de Hijra, donc il y avait beaucoup de Sahaba. Et après, les Tabi'in qui étaient là-bas, ils ont pris des Sahaba, etc. Mais ça suffit pas pour répondre à une preuve. Et les preuves, c'est le Coran et la Sunna. Al-Hafidh Ibn Hajar, rahimahullah, il leur a répondu en disant, si on considère cette prétention, c'est pas par ce genre de choses qu'on rejette les hadiths authentiques. Donc ça, c'est la base en islam, c'est que le hadith, il prévaut sur l'acte des gens d'Al-Madina. Et il n'y a aucune preuve sur le fait que l'acte des gens d'Al-Madina, il est pris en compte. Alors que le hadith authentique, Allah Azzawajal, il a ordonné de le suivre. Tabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum. Suivez ce qui a été descendu sur vous de votre Seigneur, c'est-à-dire le Coran et la Sunna. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, utitu al-Qur'an wa mislahu ma'a. Il m'a été donné le Coran et son équivalent avec, c'est-à-dire la Sunna. Et les Hanafiyas, ils ont répondu au hadith de Aïcha aussi, et celui d'Ibn Abbas, en disant qu'il est rapporté authentiquement de Aïcha et d'Ibn Abbas, donc les deux qui rapportent les hadiths, le fait de nourrir. Et ils ont dit, donc, le fait qu'ils ont donné comme fatwa, Ibn Abbas et Aïcha, le contraire de ce qu'ils ont rapporté du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ça prouve qu'il faut agir avec le contraire de ce qu'ils rapportent. C'est-à-dire que les Hanafiyas, eux, ils voient que lorsque le rapporteur du hadith, le sahabi, il voit une chose contraire à ce qu'il rapporte, alors il faut agir avec l'ijtihad, l'avis du sahabi. Et il faut pas agir avec le hadith. Et la règle qui prévaut chez la majorité des savants, c'est le contraire. C'est que l'important, c'est ce qu'il rapporte. Le sahabi ou n'importe quel rapporteur, même si c'est un tabi'i ou autre. Ce qui est important, c'est ce qu'il rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pas ce qu'il voit lui. Donc Al-Hafidh Ibn Hajar, rahimahullah, il a répondu également, et il a dit, ce qui prévaut et ce qui est considéré, c'est ce qu'il rapporte, pas ce qu'il voit. Car il est possible qu'il contredise ce qu'il rapporte avec un ijtihad. C'est-à-dire, il fait un effort d'interprétation, et il se peut que c'est cet effort d'interprétation qui le pousse à s'opposer à ce qu'il rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et en même temps, ce sur quoi il s'appuie pour cet effort d'interprétation, il n'est pas ferme. Donc il a fait une erreur. Et le mujtahid qui fait partie des gens de l'ijtihad, il a une récompense s'il se trompe. Comme il est venu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Notre cher Ibn Hazm, il dit ensuite, je dis, et ça suppose aussi qu'il est oublié. Et ça, c'est une probabilité que le sahabi, il rapporte un hadith, et les tabi'in, ils ont pris de lui ce hadith, puis après, il oublie ce hadith, et il fait une fatwa qui va dans le sens contraire. Donc ça aussi, c'est possible. Ibn Hazm a dit, rahimahullah, et il est possible que ce qui est rapporté de Aïcha au sujet du fait de nourrir, c'était sur une personne qui n'était pas en bonne santé jusqu'à ce qu'il meure. Et alors, dans ce cas-là, il n'y a pas de psaume sur lui. C'est-à-dire, comme on a vu, que celui qui est malade, par exemple, quelqu'un qui est malade et qui loupe des jours de Ramadan, soit le mois entier, soit des jours. Puis après, il reste malade. Il reste malade, il n'est pas possible de rattraper. Jusqu'à ce qu'il meure. Bah, celui-là, dans ce cas-là, il est clair que il n'y a pas cette obligation. Et là, notre sujet, il ne le concerne pas. Notre sujet de savoir si quelqu'un jeûne pour lui, son wali jeûne pour lui, ça ne concerne pas ce genre de personne. Car lui, il ne lui a pas été possible de jeûner. Donc, ça n'est pas obligatoire sur lui, et c'est encore moins obligatoire sur son wali. Notre cher Ibn Hizam, il dit ensuite, je dis, quant aux arguments pris par les Hanafiya et les Malikiya, par la parole d'Allah Ta'ala, « Wa annaysa lil insani illa ma sa'a » et que l'homme n'aura que ce qu'il a accompli, Ibn Hazm, rahimahullah, a répondu en disant, quant à sa parole Ta'ala, « Wa annaysa lil insani illa ma sa'a » et que l'homme n'aura que ce qu'il a accompli, elle est vraie. Car c'est une parole d'Allah, donc elle est haqq. Elle est vraie, sauf que celui qui l'a descendu, c'est celui qui a dit à son messager, sallallahu alayhi wa sallam, « لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ » afin que tu éclaircisses aux gens ce qui a été descendu sur eux. C'est-à-dire que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il éclaircit par sa sunna ce qui a été descendu du Qur'an. Et c'est également celui qui a dit, « مَنْ يُتِعَ الرَّسُولَ فَقَدَ تَعَ اللَّهِ » celui qui obéit au messager a certes obéi à Allah. Donc il est vrai que l'homme n'a que ce qu'il a accompli. Est-ce que Allah Ta'ala ou son messager sallallahu alayhi wa sallam ont jugé comme comptant pour lui parmi les efforts de quelqu'un d'autre, rentre là-dedans. Et donc le psaume dans notre sujet. Quant au hadith, in qata'a amalu, hadith d'Abu Huraira dans Muslim qu'on a vu précédemment, que lorsque la personne meurt, ses œuvres s'arrêtent. Le hadith ne montre que le fait que les œuvres du mort s'arrêtent. Et il n'y a pas dedans le fait que l'œuvre de quelqu'un d'autre s'arrête pour lui. C'est-à-dire l'œuvre de quelqu'un d'autre faite pour lui s'arrête. Et ça également, on précise que ce n'est pas tout acte qui peut être fait, tout ibada, toute adoration qui peut être faite pour le mort. Mais on s'arrête à ce sur quoi il est venu une preuve. Comme par exemple le hajj. C'est venu qu'une femme, elle a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire le hajj pour son parent qui était mort. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a permis. Le hajj ou la dua, comme on a vu dans le hadith précédent, l'enfant pieux qui invoque pour lui, ou les sadaqat, les aumônes, et toutes les adorations financières, c'est-à-dire qui touchent à l'argent, qui nécessitent de sortir de l'argent, tout ça c'est rattaché aux aumônes. Donc tout ça c'est permis pour le mort. C'est-à-dire par exemple, quelqu'un qui égorge pour son père, pour que la récompense du sacrifice soit pour son père, c'est permis, ça rentre dans les aumônes. Quant aux partisans du deuxième avis, qui est que seul le psaume rendu obligatoire par le vœu doit être jeûné pour le mort, Al-Hafidh ibn Hajar, rahimahullah, a dit, il n'y a pas, ils ont pris en argument le hadith d'Ibn Abbas, Muttafaqun alayh, et Ibn Hajar dit, il n'y a pas entre les deux hadiths, c'est-à-dire celui de Aïcha et d'Ibn Abbas, de contradiction, afin qu'on assemble entre les deux. Le hadith Ibn Abbas est quelque chose de précis sur lequel la femme a interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui était que sa mère avait un psaume qui s'était rendu obligatoire par le vœu. Quant au hadith de Aïcha, c'est une règle générale. Celui qui meurt et qu'il a un psaume sur lui, obligatoire, son wali jeûnera pour lui. Et également que dans le hadith Ibn Abbas, il y a quelque chose qui montre cette généralité du hadith de Aïcha, et c'est la fin où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى. La dette d'Allah est plus en droit d'être acquittée. Donc ça c'est général, et ça montre que ça englobe le rattrapage de Ramadan aussi. Donc en fait, la règle générale qui est citée dans le hadith de Aïcha, on ne peut pas la restreindre à cette forme qui est venue dans le hadith d'Ibn Abbas sur le jeûne obligatoire par le vœu. Donc l'avis juste sur le sujet, comme on a vu, c'est que tout psaume obligatoire sur le mort, son wali le jeûne pour lui, après sa mort. Et on fait une remarque importante, que tout ce sujet et toutes ces divergences, c'est au sujet de celui qui est mort et qui avait un jeûne obligatoire, un psaume obligatoire, et qui ne l'a pas rattrapé, alors qu'il pouvait. Quant à celui qui n'a pas pu le rattraper, jusqu'à ce qu'il meure, alors il n'y a plus d'un savant qui a cité l'unanimité sur le fait qu'on ne jeûne pas pour lui. Comme quelqu'un qui est malade par exemple, qui tombe malade et qui loupe des jours de Ramadan et qui reste malade jusqu'à ce qu'il meure. Celui-là, il n'a pas eu de possibilité de rattraper, donc il y a l'unanimité des savants sur le fait qu'on ne jeûne pas pour lui. Quant au fait de nourrir pour chaque jour un pauvre, la majorité des savants, et parmi eux Malik, Ash-Shafi'i et Abu Hanifa, sont d'avis qu'il n'y a rien. Il n'y a pas à nourrir un pauvre pour chaque jour. Al-Abdari, il a dit, et c'est la parole de l'ensemble des savants, à part Taous et Qatada, qui ont dit tous deux, il est obligatoire de nourrir pour chaque jour un pauvre, car il est incapable, donc il ressemble au vieillard incapable de jeûner. Et l'avis juste, c'est l'avis de la majorité qu'il n'y a pas à nourrir de pauvre pour lui. Ce qui est venu dans le hadith, c'est sur le saum. Et Allah a dit, Fattakullaha mastata'atum. Craignez Allah autant que vous pouvez. Et la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Ida martukum bi amrin fa'tu minhu mastata'atum. Lorsque je vous ordonne une chose, faites-le autant que vous pouvez, selon votre capacité. Muttafaqun alayhi d'après Abu Huraira. Quant à qui est le wali cité dans le hadith, que son wali jeûnera pour lui, Al-Hafidh ibn Hajar a dit, rahimallah, il a été dit que c'est tout proche, toute personne proche, et il a été dit que c'est son héritier seulement, ceux qui héritent de lui, et il a été dit sa asaba. La asaba, c'est tous les hommes de sa famille, c'est spécifique aux hommes. Et la première parole, c'est ce qui prédomine, c'est-à-dire que c'est tout proche de lui. Et le hadith qu'on a vu précédemment d'Ibn Abbas sur la femme qui a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de jeûner pour sa mère, ce qui s'était rendu obligatoire par le vœu, ça réfute le troisième avis, qui est que c'est seulement les hommes proches de lui. Car là, ça montre le hadith que même la femme peut le faire. Est-ce que le saume est obligatoire sur le wali? Ibn Hazm est d'avis que c'est obligatoire sur le wali. Et il a pris comme argument le hadith Man mata walayhi saum, donc hadith d'Aïcha, sama anhu waliyu. Celui qui meurt et qui a un saum obligatoire, son wali jeûnera pour lui. Et ce qui est voulu, c'est khabar bi ma'na al-amr, c'est-à-dire le verbe sama, c'est bien ma'na par le sens de faliyasum, qu'il jeûne. Et la majorité des savants sont d'avis que c'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire sur lui. Et Imam al-Haramayn, il a même été jusqu'à dire qu'il y a unanimité sur ça. Et il n'y a pas unanimité, comme on vient de voir, que Ahlul Dahir, ils ont divergé et ils ont vu que c'était obligatoire. Et même si ce qui est voulu dans le hadith, c'est l'ordre, même si la base de l'ordre, dans l'ordre, c'est l'obligation. Mais parfois, l'ordre, ça sort de l'obligation. Et ça peut être juste une qu'on appelle irshad, c'est-à-dire le fait d'orienter à un bien. Et Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah a dit, ce qui fait sortir de l'obligation, cet ordre, c'est la parole d'Allah Ta'ala, وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. Et nulle âme ne portera le fardeau d'autrui. Et si on disait que c'est obligatoire de rattraper le saum pour le mort, cela impliquerait que si il ne rattrape pas le wali, qu'il porte le fardeau d'autrui, c'est-à-dire du mort. Et ça s'oppose au Coran. C'est-à-dire, si on dit que c'est obligatoire, alors le wali, ce qui est obligatoire dans le fiqh, c'est quoi le sens de l'obligatoire? C'est que lorsque la personne le fait, il est récompensé, et s'il ne le fait pas, alors il a un péché. Donc, l'avis juste, c'est que c'est pas obligatoire sur lui, mais qu'il doit le faire. S'il le peut, il le fait. Et spécifiquement envers les parents, ça fait partie de la bienfaisance envers les parents, même lorsqu'ils meurent. Est-ce que cela est spécifique au wali, donc c'est-à-dire tout proche comme on a vu, ou est-ce qu'il est permis qu'un autre, qui n'est pas un de ses proches, jeûne pour lui? Il y a deux avis sur le sujet. Le premier, c'est que c'est spécifique au wali, car la base, c'est dans les adorations faites par le corps, c'est que c'est pas fait par quelqu'un d'autre, sauf ce qui est cité dans une preuve. Donc là, par exemple, la preuve dans le hadith, c'est cité le wali. Donc, on s'y arrête. Et ça, c'est l'avis de Al-Hafidh ibn Hajar, rahimahullah. Et le deuxième avis, c'est que c'est pas spécifique au wali. Donc, n'importe qui peut le faire, si un ami à lui le fait, par exemple. Et pourquoi ça a été cité le wali dans le hadith? C'est du fait que c'est ce qui est le plus souvent. Et c'est ce qu'a l'air d'avoir choisi l'imam al-Bukhari. Et c'est ce qu'a affirmé également Abu Tayyib al-Tabari. Et il a appuyé du fait que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a montré la ressemblance de ça avec la dette, ça dans le hadith d'Ibn Abbas. Et la dette, elle n'est pas spécifique aux proches. C'est-à-dire que tout le monde, si le mort il a une dette, n'importe qui peut la payer. Et c'est cet avis, le deuxième avis, que c'est pas spécifique au wali, qui prédomine, wallahu alam. Est-ce qu'il est permis, par exemple, si le mort avait 30 jours à jeûner, que 30 personnes jeûnent chacun un jour? Donc ça, l'avis qu'a choisi Al-Hafidh ibn Hajar, et également Al-Shir ibn Uthaymin, rahimahullah, c'est que c'est permis. Tant que c'est pas une condition dans ce psaume, le fait de faire suivre. Donc c'est permis, sauf, par exemple, celui qui avait 2 mois consécutifs à jeûner. Celui-là, c'est pas permis que, par exemple, 60 personnes jeûnent chacun un jour. Ou que 2 personnes jeûnent chacun un mois. Mais c'est une seule personne qui doit jeûner les 2 mois consécutifs à sa place.